suis pas d'ici, les souvenirs, ma vie me ramène toujours là, toujours là. Faut-il que je retourne là-bas? Ne m'en veux pas, mon île. Je ne t'ai jamais trahi, j'ai écrit mon histoire avec les larmes d'espoir. Toute souffrance qui fait mener nos décadents.